Bien-aimé, je vais partager quelque chose de très important. Je ressens vraiment l'envie de le dire aux enfants de Dieu. Parce que nous avons tous, chacun de nous, un adversaire commun, le diable. Il est notre ennemi parce que nous appartenons à Christ Jésus. J'ai suivi le témoignage d'un grand sorcier qui avait donné sa vie à Jésus. Et cet homme avait dit des choses, mais parmi tout ce qu'il avait dit, j'ai retenu quelque chose que je n'ai jamais oublié. Cet homme dit, lorsque quelqu'un est sorcier, lorsque quelqu'un pratique les loges, lorsque quelqu'un pratique de la magie noire, la magie blanche, les pratiques ésotériques occultes, il n'y a que Dieu qui peut le sauver. Il n'y a que Dieu qui peut le convaincre. Il dit, parce que lorsque j'étais sorcier, quand on va en sorcellerie, on va dans un monde parallèle. Dans ce monde, vous avez les villes, vous avez des bars, vous avez la cigarette, l'alcool, vous avez des entreprises. Dans ce monde-là, le monde de la sorcellerie, là où les sorciers vont la nuit. Il dit, quand tu arrives là-bas, tu vois des voitures. Quand tu arrives là-bas, il y a des maisons. Il dit, il y a des gens dans le monde, dans la vie active. Ce sont des pauvres. Il est pauvre, il n'a rien. Mais dans le monde occulte, c'est un grand type. Il est un grand type là-bas, dans le monde de la sorcellerie. C'est un grand type. Il dit, il y a deux mondes. Le monde naturel et ce monde parallèle. Tous les sorciers vont là-bas. Il dit, c'est là-bas qu'on fait l'ambiance. C'est là-bas que tu fais l'amour comme tu veux. Tu bois comme tu veux. Tu danses comme tu veux. Il dit, c'est là-bas que vont les sorciers. C'est là-bas que vont tous les pratiquants, tous les adeptes de Satan. C'est là-bas qu'on se retrouve. Il dit que c'est un monde, c'est une grande ville. Il y a des immeubles, il y a des voitures. C'est là-bas qu'on fait la fête. Il me dit, quand j'allais là-bas, je pouvais rencontrer mes amis, mes parents, qui étaient sorciers de leur vivant. Des gens que je connaissais bien, lorsqu'ils vivaient sur terre, on allait ensemble en sorcellerie. Il dit, mais quand tu arrives là-bas, tu les vois. Et tu te dis, mais la religion dit que celui qui ne croit pas en Dieu ira en enfer. Mais comment se fait-il que je vous vois ici? Et ces gens vont te dire, oh, c'est des histoires, la religion ment. N'est-ce pas quand j'étais sur terre, moi et toi, on venait en sorcellerie? Est-ce que tu me vois dans le feu? Est-ce que tu me vois en enfer? Donc tout ce que la religion raconte là, c'est du mensonge. Il n'y a pas d'enfer. Il n'y a pas de paradis. Je vivais sur terre. Toi, tu me connais. On venait ensemble en sorcellerie. C'est pas tu me vois là, non? Est-ce que je suis dans le feu? Et cet homme dit qu'il faut vraiment l'intervention de Dieu pour que le sorcier soit converti. Il dit pourquoi? Parce que quand tu vas dans le monde de sorcellerie, et trouver que quand cet homme-là vivait sur terre, on mangeait la chair humaine, on tuait les gens. Mais je ne le vois pas quand j'arrive là-bas, je le vois. Je ne le vois pas dans le feu de l'enfer. Au contraire, il mange avec moi, on danse, il boit. Je le vois dans un autre monde. Donc finalement, tout ce que la Bible raconte, c'est du pipeau. Et cet homme dit, ce que tu ne sais pas, toi le sorcier, toi qui es encore sur terre, c'est que quand tu vas là-bas, Satan demande à des démons de se déguiser, de prendre la forme physique des personnes que tu connaissais, qui vivaient sur terre. Satan demande de prendre aux démons de prendre leur forme, leur langage, leur façon de parler, et qu'ils viennent s'entretenir avec toi. Et le sorcier qui n'est pas encore mort, quand il s'entretient avec ces personnes, il se dit, mais attends, ça c'est mon nom. Quand il vivait sur terre, on faisait tous la sorcellerie. Mais moi, je ne le vois pas en enfer. Donc, l'enfer n'existe pas. Il dit, c'est la raison pour laquelle, quand vous prêchez l'évangile à des francs-maçons, à des sorciers, ils rigolent. Ton évangile rentre là, sort là. Parce que quand il va dans le monde occulte, il trouve ses camarades qui étaient francs-maçons, ses camarades qui étaient sorciers. Il les voit, ils s'entretiennent, ils mangent ensemble, ils dansent. Mais ce que tu ne peux pas savoir, c'est que les personnes que tu vois là, ce n'est pas les vraies personnes que tu connais. Ce sont des démons qui ont pris leur forme. Ce sont des démons, tu t'entraînes. Ils ont pris la forme physique des parents, des gens que tu connaissais. Mais ce sorcier dit, il faut Dieu pour t'ouvrir les yeux. Parce que là, tu es roulé dans la farine par le diable. Parce que le problème, c'est quoi? Quand tu vas dans le monde occulte, tu pars sous, dans un monde contrôlé à 100% par le diable. Si tu viens vers Jésus, Jésus est la lumière, Jésus t'ouvre les yeux. Tu es dans le monde de la vérité et tu vois les choses. Quand tu abandonnes Jésus, tu vas dans le monde, tu vas dans une zone contrôlée par le diable. La première chose que le diable va faire, c'est de fermer tes yeux. Et tu te retrouves dans un milieu où il te gère comme il veut. Cet homme était sorcier. Il dit, mon frère, franchement, si Dieu ne te touche pas, tu ne peux pas croire à la Bible. Parce que comment expliquer que la vieille femme du village, la grande sorcière que tout le monde connaît, elle est morte. Et quand tu vas dans le monde de la sorcellerie, tu la vois, tu te dis, oh, donc tout ce que la Bible raconte, c'est du mensonge. La Bible dit que le sorcier ira en enfer. Mais ma tante là, et pourtant quand je vais dans le monde occulte, je la vois, on parle ensemble. On parle ensemble. Je ne le vois pas en enfer. Il dit, c'est la raison pour laquelle les sorciers ne sont pas touchés par l'évangile. Sans intervention de Dieu, il dit, le sorcier ne va pas croire à ce que tu lui dis. Parce qu'il vit d'autres expériences. Au contraire, le franc-maçon croit même que c'est toi qui es dans l'erreur. C'est la raison pour laquelle, quand un franc-maçon meurt, les autres francs-maçons disent, il a transité. Il a transité. Ça, c'est le langage des francs-maçons. Il a transité. C'est-à-dire, il est allé dans le monde parallèle. On peut aller la nuit, aller le rencontrer là-bas. Il a transité. Et quand il va, il voit que le monsieur qui était ministre, qui était franc-maçon, quand il va dans le monde occulte, alors mon ami, ça va? Ils font des accolades. Alors ça va, depuis que tu es venu, ça se passe bien, oui. Mais la religion nous dit que les gens qui font l'occultisme iront en enfer. Oh, c'est des histoires. C'est pas tu me vois là. Est-ce que tu me vois en enfer? C'est pas moi là devant toi. Mais ce que cet homme ne sait pas, c'est un démon qui a pris la forme. C'est un démon qui se fait passer pour ton collègue ministre. C'est un démon qui a pris sa forme. Et ce texte sorcier dit, il faut l'intervention de Dieu pour vraiment pour te montrer que tu es roulé dans la farine par le diable. Il dit, sans Dieu, tu ne peux pas. Tu vas toujours croire que la Bible ment. Parce que quand tu vas dans le monde occulte, tu trouves tes collègues, tes amis, tes parents qui pratiquaient la sorcellerie sur terre et tu les rencontres là-bas. Ils sont bien portants, bien habillés. Vous mangez ensemble, vous discutez. Mais ce que l'homme ne sait pas, c'est que les personnes que tu vois là ne sont pas tes vrais parents. C'est des démons qui se sont déguisés. C'est des démons qui ont pris leur apparence. C'est pourquoi quand on te prêche l'évangile au quartier, on te dit que si tu ne reçois pas Jésus, tu vas aller en enfer. Le sorcier rigole. Parce que quand tu vas dans le monde occulte, il trouve ses amis qui pratiquaient la sorcellerie sur terre et il ne les voit pas en enfer. Et ce homme a fait son témoignage. Il a dit, c'est la raison pour laquelle il est difficile à des gens qui pratiquent l'occultisme de donner leur vie à Jésus parce que Satan est en train de les mentir. C'est pourquoi les francs-maçons disent, quand un franc-maçon meurt, il a transité. Il est allé dans l'autre monde là. Le monde où on a l'habitude d'aller. Parce que quand ils vont aller là-bas, ils le voient, ils le rencontrent. Mais ce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas que ce n'est pas la vraie personne. C'est un démon qui s'est déguisé. Le problème, c'est que la Bible dit dans le livre d'Hébreux, après la mort vient le jugement. Le jour où tu mourras, tu vas au jugement de Dieu. Et c'est là où Dieu va te juger. Et tu es étonné. Oh, comment se fait-il que je viens ici? Quand j'étais sur terre, je pratiquais la sorcellerie et j'allais dans un monde où je voyais tout le monde danser, boire et tout. Et c'est là qu'on va te dire, le diable t'avait menti, ce monde n'est pas vrai. C'est pas un vrai monde. C'est du mensonge. Le problème, c'est que tu ne peux plus faire demi-tour en arrière, revenir sur terre pour te convertir. C'est trop tard. Satan a eu ton âme. Par le mensonge. C'est comme ça que le diable trompe les sorciers. C'est comme ça que le diable trompe toutes les personnes qui ont signé les pactes avec lui. Il les trompe avec ce monde. Ce monde-là. Ce monde qui n'est pas réel. C'est là-bas qu'il leur roule dans la farine. Satan est organisé avec ses démons pour tromper les hommes. Quand le sorcier va là-bas, c'est la fête. Il y a des démons qui prennent la forme de ton père qui était sorcier de son vivant. Et quand tu arrives là-bas, oh mon fils, ça va? Oui, oh papa, quand même. Mais cette histoire d'enfer, tu n'es pas en enfer, oh c'est des histoires. La Bible raconte le mensonge. C'est pas tu me vois là, c'est pas moi ton père. Est-ce que tu me vois dans le feu? C'est pas je suis bien portant. Mais ce que tu ne sais pas, c'est pas ton vrai père. C'est un démon qui a pris cette forme. C'est pourquoi les sorciers, les gens qui ont signé des pactes avec le diable, sans intervention de Dieu, ils ne peuvent pas croire à ton évangile. Parce qu'ils vivent d'autres expériences que toi tu ne connais pas. Et c'est comme ça que Satan les roule dans la farine. C'est quand ils vont mourir en vrai qu'ils passeront au jugement de Dieu selon le livre d'Hébreu. Et ils vont soit du côté de Dieu, soit du côté du diable. Mais le démon va prendre sa forme pour venir parler avec le sorcier qui est encore sur la terre des vivants. Pour te tromper. Parce que si tu vois ton père qui était sorcier, si tu vois ton petit frère qui était sorcier, tu parles avec lui là-bas. Et quand on va te dire sur terre, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Tu vas rigoler. Tu vas dire, ah, vous racontez des conneries. Parce que tu te dis, attends, moi, mes parents qui sont morts, ils pratiquaient la sorcellerie comme moi. Et pourtant, quand je vais dans le monde de la sorcellerie, je discute avec eux, je les vois en chair et en os. Ils sont vivants. Je ne les ai jamais vus dans le feu. Donc, ce que la Bible raconte est faux. C'est du mensonge. C'est pourquoi les hommes occultes endurcissent leur cœur quand on leur prêche l'évangile. C'est ce que cet homme dit. Je tenais à te le dire, mon frère, ma soeur, il faut que tu saches pourquoi les sorciers de ton village, de ta famille, de parmi tes collègues, ne veulent pas donner leur vie à Jésus. C'est comme ça que Satan les roule dans la farine, en demandant à des démons de s'entretenir avec eux, en prenant la forme de leurs amis et connaissances. Quand ils vont dans le monde occulte, ils s'entretiennent avec eux, et comme eux, ils ont cette réalité. Ils voient son collègue, ils voient son grand-père qui lui avait donné le pouvoir de sorcellerie. Ils parlent avec lui là-bas. Ils se disent, oh, donc tout ce que la Bible dit, c'est des conneries. Donc ça veut dire que quand je vais mourir, moi aussi je viendrai ici. Alors que c'est un mensonge du diable. Donc c'est comme ça que le diable est en train de les tromper. Donc je tenais à vous le dire afin que vous sachiez pourquoi ces personnes-là endurcissent leur cœur. Pourquoi ces personnes-là ferment leur cœur à l'évangile. Parce que Satan les roule dans la farine. Que Dieu vous bénisse.